Sophie de Montcernay par Jules Lemaître. On célébrait ce jour-là, à l'abbaye au bois, où étaient élevées les filles de la première noblesse de France, la fête de la maîtresse générale, Madame de Rochebrune. Les religieuses, les sœurs converses, les pensionnaires et nombre de dames, leurs mères, parentes ou amies, étaient assemblées dans la salle du théâtre, construite par la duchesse d'Orléans, jadis abbesse du royal couvent. Les longues rangées des fillettes assises sur des estrades et portant sur leurs robes noires des rubans bleus, blancs ou rouges, selon qu'elles étaient dans les petites, dans les moyennes ou dans les grandes, encadraient le parterre étincelant et papillotant où les corsages pointus des dames jaillissaient des rois de jupes à paniers et où les visages roses et mouchetés balançaient, dans les mouvements de la causerie, les hauts échafaudages poudrés des coiffures. Une rouge, sur la scène, jouait un morceau de harpe. Puis, quelques bleus récitèrent des fables du chevalier de Florian, et une blanche déclama des vers de l'abbé de Lille sur les plaisirs des champs. Alors, on baissa le rideau pour l'entracte. Ce rideau était une vieille tapisserie fort belle qui représentait les amours de Diane et d'Endymion. La soirée devait se terminer par le deuxième acte d'Athalie. Joad, Athalie, Abner, Matan, Josabeth et Joas s'agitaient dans les coulisses très affairées. Joad, c'était Mademoiselle de Montmorency, ornée d'une perruque et d'une barbe de chanvre, et montrant là-dessous une petite bouche rouge comme une cerise. Mademoiselle de Conflans, qui jouait Abner, portait une cuirasse en fer blanc et des moustaches avec une royale. Mademoiselle de Choiseul, très blonde, très fraîche, l'air paisible et doux, faisait la farouche Athalie. Elle s'était posée trois mouches, une ronde à la tempe, une en amande au menton, une sur la joue, en étoile. « Des mouches à la reine Athalie !» dit Madame Sainte-Grinor. C'était la religieuse qui avait dirigé les répétitions. « Y songez-vous, mademoiselle !»« Oh, madame, laissez-les-moi » Elle pouvait bien avoir des mouches, puisque sa mère Jézabel se fardait. Le texte le dit, ainsi. Joas, c'était la petite Sophie de Montcernay, une enfant de 8 ans, qui en ce moment regardait dans la salle par deux trous percés juste au droit des yeux d'Endymion. « Que faites-vous, mademoiselle de Montcernay ?»« Je regarde si ma mère est venue, » dit Sophie tristement. « Vous savez bien qu'elle ne viendra pas. Elle vous l'a fait dire ce matin. Allons, n'y pensez plus, et soyez tout à votre rôle. » « Votre mère sera contente si elle sait que vous avez bien joué. » L'enfant s'efforça de sourire. La représentation commença. Au moment où Mademoiselle de Choiseul s'écriait en grossissant sa voix, « À tout métier rien, faites prendre les armes !» Sophie de Montcernay fit son entrée avec Josabeth, Zacharie et le chœur. Comme elle était fort émue, elle donna sa première réplique d'un air si doux et si touchant qu'un petit frémissement de plaisir et d'approbation parcourut les rangs des dames. Mais lorsqu'Athalie lui demanda « Vous êtes sans parents ?» Sa gorge se serra, on l'entendit à peine répondre « Ils m'ont abandonné. » Et quand la reine ajouta « Comment et depuis quand ?» Sophie de Montcernay fit la grimace d'un enfant qui va pleurer, balbutia 2 ou 3 fois « Depuis que… » et tout à coup fondit en larmes. « Petite sotte !» lui dit tout bas Athalie en la secouant par le bras. « Tu vas tout nous faire manquer !» Et elle reprit. « Ne sait-on pas au moins quel pays est le vôtre ?» Mais Sophie, la tête dans ses mains, sanglotait. Il fallut baisser le rideau. La maîtresse générale se rendit dans les coulisses et essaya de consoler l'enfant. « Qu'avez-vous, petite Sophie ? Est-ce la peur de tout ce monde ?»« Non, madame. » « Qu'est-ce donc alors ? Je ne sais pas. » Madame de Rochebrune rentra dans la salle et garda Sophie auprès d'elle. Et tandis qu'on reprenait la scène interrompue et qu'Abner, par une convention hardie, récitait le rôle de Joas, Sophie, pelotonnée au pied de la vieille religieuse, continuait de pleurer silencieusement. « Hélas !» songeait Madame de Rochebrune. « Je sais bien ce qu'elle a, pauvre petite. Mais qui faire ?» Certes, elle n'était pas méchante, la mère de Sophie, la brillante marquise de Montcernay. Restée veuve à 20 ans, sa principale occupation était de se parer et de se sentir jolie. Mais il faut convenir que le plaisir qu'elle y prenait la rendait aimable, douce et indulgente aux autres. Même, elle aimait sa fille à sa manière. Au temps où Sophie était toute petite, elle s'était occupée d'elle comme une poupée, et dans les fêtes qu'elle donnait, si elle se déguisait en jeune indienne ou en bergère d'opéra comique, elle s'amusait à faire porter à l'enfant les mêmes costumes et l'habillait en indienne minuscule ou en galante bergerette. La petite fille, très aimante et très sensible, prenait ses amusements pour des témoignages de tendresse, voyant sa jolie mère toujours parée et triomphante, et ne concevant pas qu'aucune autre femme pût être aussi belle ni avoir autant d'esprit, elle avait pour elle les sentiments qu'on a pour une idole, et elle était parfaitement heureuse d'être son joujou. Quand ce joujou ne la divertit plus, c'est-à-dire quand Sophie eut 6 ans, Madame de Montcernay la mit à l'abbaye au bois. L'enfant se soumit pour ne pas déplaire à celle qu'elle adorait. La marquise venait la voir 2-3 fois l'an, toujours plus belle, éblouissante comme une apparition. Et Sophie ne vivait que pour ses visites. Sauvée de la souffrance continue par l'invincible mobilité de son âge, elle portait cependant au fond de son cœur une plaie secrète. Elle avait quelquefois, au milieu même de ses jeux, des cris subites de larmes. Sans doute, elle n'était guère plus abandonnée que la plupart de ses compagnes. Elle comprenait aussi que les petites filles nobles devaient être élevées d'une certaine façon et n'étaient pas faites pour vivre beaucoup avec leur mère. Mais elle n'en souffrait pas moins. Les religieuses étaient bonnes pour elle, et si elle avait voulu, elle aurait pu trouver parmi les élèves de la classe rouge quelques grandes amies qui eussent joué avec elle à la petite maman. Mais cela ne lui suffisait point. C'était sa mère qu'il lui fallait. Elle était née comme cela, la pauvre petite. De la classe des bleus, Sophie passa dans la classe des blanches pour se préparer à sa première communion. Parmi ses nouvelles maîtresses, il y en avait une, Madame Sainte-Thérèse, jeune et jolie, mais qui semblait toujours ennuyée et triste. Tout en faisant réciter le catéchisme aux blanches, elle avait l'air de penser à autre chose et d'être à 1000 lieues de là. Ces distractions faisaient assez l'affaire des blanches, qui en profitaient pour réciter leurs leçons tout de travers. Mais Sophie, glacée par cette indifférence, craignait extrêmement Madame Sainte-Thérèse. Elle ne pouvait, à cause de cela même, s'empêcher de la suivre continuellement des yeux. Et sans doute, ce regard gênait la jeune religieuse, car si elle sortait, par hasard, de sa rêverie, pour donner languissamment quelques mauvaises notes ou infliger quelques punitions, c'était presque toujours sur Sophie que cela tombait. Sophie se disait « Elle me déteste » et elle était très malheureuse. Le jour de la première communion, toutes les mères des autres petites filles étaient là. Mais la mère de Sophie lui avait écrit qu'elle ne viendrait pas, étant retenue par une fête chez le comte d'Artois. Sophie tâcha de se consoler en songeant qu'elle avait la plus belle maman du monde, la plus admirée et la plus recherchée. Et elle pria pour elle du fond du cœur, de tout son cœur gonflé de chagrin. Mais le soir, pendant que les blanches montaient au dortoir, elle s'échappa des rangs et resta toute seule, pour rêver et pleurer à son aise, dans le cloître des âmes, c'est ainsi qu'on appelait la cour intérieure du couvent. Du banc de pierre où elle était assise, elle voyait l'ombre des arcades découpées par la lune. Une cloche tinta, lente et triste, puis se tut. Et n'osant plus bouger à cause du silence, Sophie eut le sentiment d'un abandon complet et sans espoir. Une forme blanche parut dans la galerie non loin de la porte qui menait aux appartements de la maîtresse générale. Sophie crut que c'était Madame de Rochebrune, et d'un mouvement éperdu, elle fut se jeter dans les plis de cette robe de neige. « Qu'avez-vous, mon enfant, et pourquoi n'êtes-vous pas avec vos compagnes ?» Sophie reconnut Madame Sainte-Thérèse, et elle eut peur. Mais levant les yeux, elle vit avec surprise que Madame Sainte-Thérèse pleurait aussi. « Qu'avez-vous ? » reprit plus doucement la religieuse en se penchant sur Sophie et en promenant sur la tête enfantine ses longues mains pâles. Sophie, suffoquée par les larmes, ne put que dire ces mots « Maman, maman !» « Ah, c'était donc cela !» murmura la religieuse comme étonnée. Elle saisit la petite fille dans ses bras, la serra de toutes ses forces et l'emporta sur le banc de pierre en la couvrant de longs, longs baisers. Sophie se souvint qu'elle n'avait pas reçu de ces baisers-là depuis le temps où elle était toute petite. Et encore, ceux de Madame Sainte-Thérèse étaient plus chauds et meilleurs. « Oh, madame, dit-elle, que vous êtes bonne. Voulez-vous que je sois un peu votre maman ?» L'enfant ne répondit qu'en se blottissant contre la poitrine de la religieuse. Elle s'y enfonça le plus qu'elle put et se cacha tout entière sous les grands plis du voile blanc. Et lentement, Madame Sainte-Thérèse la berçait sur ses genoux. Madame Sainte-Thérèse s'était appelée dans le monde Madeleine de Fregenailles. Toute jeune, elle avait eu la vocation de la maternité. Le colonel de Fregenailles étant à l'armée, et Madame de Fregenailles presque toujours malade, c'était Madeleine qui avait élevé son petit frère, maintenant dans les pages du roi, et sa petite sœur, morte récemment. Les Fregenailles n'étant pas riches, elle s'était résignée à entrer au couvent pour que son frère eût de quoi soutenir l'honneur du nom. Mais avec quel déchirement elle avait dû renoncer à la joie d'avoir des enfants à elle, de les soigner, de les caresser. Si malgré la tendresse de son cœur, elle était restée si froide avec ses élèves, c'est qu'elles étaient trop nombreuses, ces petites blanches, et qu'il lui était impossible de les aimer toutes de l'unique façon dont elle savait aimer. Et si elle avait d'abord manqué de bonté pour Sophie, c'est qu'elle avait cru lire dans ses yeux une curiosité qui l'importunait. Mais elle s'était enfin reconnue et comprise, la petite fille qui avait besoin d'une mère et la religieuse qui avait besoin d'aimer un enfant. Dès lors, Madame Sainte-Thérèse et Sophie de Montcernet furent heureuses. Le matin, lorsque la religieuse passait devant les lits des pensionnaires en disant « Benedicamus Domino », elle adressait à Sophie un regard et un sourire qui lui donnaient du courage et de la gaieté pour toute la journée, et le soir, elle l'abordait dans sa couchette. En classe, elle lui demandait de petits services, comme d'aller lui chercher un livre ou de ramasser sa claquette. Et l'enfant, éperdu d'application, les coudes étalés sur son pupitre et la langue un peu tirée afin de mieux écrire, sentait continuellement derrière elle la tête inclinée de Madame Sainte-Thérèse qui la regardait travailler. Souvent aussi, la religieuse l'emmenait dans sa cellule et là, passait longuement en revue la toilette de Sophie, la recoiffait, la faisait belle et à chaque instant, l'embrassait à pleine joue. Toutes deux goûtaient la joie d'avoir entre elles un secret, de s'être fait une vie à part et bien à elles dans la vie commune. Elles s'aimaient d'autant plus fort qu'elles soupçonnaient bien qu'il pouvait y avoir, dans l'innocent roman de leur tendresse, quelque chose que l'austérité de la règle n'approuvait pas, et elles se cachaient un peu pour s'aimer. L'année suivante, Sophie passa dans la classe rouge. Ce fut un gros chagrin. Elle ne pouvait plus voir aussi souvent Madame Sainte-Thérèse, et elle avait bien du mal à s'endormir dans son nouveau dortoir, le dortoir des grandes, où son amie ne venait plus l'embrasser chaque soir. Pourtant, elle trouvait encore moyen de se glisser quelquefois dans sa cellule pendant les récréations. Mais, pour comble de malheur, Madame de Rochebrune s'avisa que l'ardeur de cette amitié particulière d'une religieuse pour une élève allait contre l'esprit même de sa profession. Elle avertit Madame Sainte-Thérèse et lui donna l'emploi de sacristine qui lui laissait peu d'occasion de se rencontrer avec les pensionnaires. Le chagrin de Sophie alla jusqu'au désespoir. C'était tout son bonheur qu'on lui prenait. Et alors, pour étourdir sa peine et aussi pour se venger de ce qu'elle considérait comme une cruauté abominable, elle devint, elle, si douce et si soumise auparavant, le plus turbulent petit diable et le plus indiscipliné du pensionnat. Justement, il y avait dans la classe rouge une maîtresse que toutes les élèves détestaient à cause de son mauvais caractère et de ses injustices. Elle s'appelait Madame Saint-Jérôme. Les rouges avaient fait une pétition à Madame de Rochebrune pour obtenir son changement. Mais la maîtresse générale avait refusé, ne voulant pas avoir l'air de céder à des petites filles. Un jour, pendant une classe, deux des rouges, la petite de Lastic et la petite de Saint-Simon, se mirent à se disputer et finirent par se battre comme plâtre. Sans savoir qui avait tort ou raison, Madame Saint-Jérôme prit Mademoiselle de Lastic par le bras et voulut la faire mettre à genoux. « Madame, lui dit l'enfant, je vous assure que ce n'est pas moi qui ai commencé. » Là-dessus, Madame Saint-Jérôme entra dans une colère affreuse, la prit par le cou et la jeta si violemment à terre qu'elle tomba sur le nez et saigna. « Mesdemoiselles, » dit Sophie, « vous voyez qu'on assassine une de nous. Il faut jeter Madame Saint-Jérôme par la fenêtre. » Toutes les rouges sautèrent par-dessus les bancs et se serrèrent autour de la victime en poussant des cris. Madame Saint-Jérôme perdit la tête et sortit en disant qu'elle allait se plaindre à Madame de Rochebrune. Sophie monta sur une table et harangua ses compagnes. Elle dit qu'il fallait se retirer de la classe et n'y rentrer qu'à des conditions honorables. Entraînées par elle, les rouges traversèrent le jardin et envahirent les cuisines et le garde-manger. Elles espéraient ainsi réduire ces dames par la famine. Une religieuse et quelques sœurs qui étaient là s'enfuirent épouvantées. Les petites insurgées retinrent une sœur converse pour leur faire à dîner, fermèrent les portes au verrou et passèrent la nuit en délibération. Afin d'empêcher les tentatives de corruption individuelle, elles jurèrent toutes solennellement qu'elles n'entreraient en pourparlers qu'avec la maîtresse générale ou ses envoyés officiels. De son côté, Madame de Rochebrune, ayant réuni les religieuses, décida que le mieux était d'attendre que les rebelles de Guerlas fissent leur soumission. Or, vers le matin, les rouges entendirent frapper à l'une des portes. Elles ouvrirent. C'était Madame Sainte-Thérèse. Sachant que sa petite amie était la plus compromise dans l'affaire, elle n'avait pu résister au désir de la voir et de lui parler. « Sophie, » dit-elle, « si vous m'aimez encore, suivez-moi. » Sophie avait grande envie de se jeter à son cou. Le sentiment du devoir la retint. « Venez-vous, » demandèrent les conjurés, « en votre nom propre ou êtes-vous envoyé par Madame de Rochebrune ?»« Je ne puis vous suivre qu'à cette condition, je l'ai juré, » dit Sophie, très pâle. Madame Sainte-Thérèse hésita un moment et répondit « Je suis envoyée par Madame de Rochebrune, mais je voudrais d'abord faire connaître ses propositions à Mademoiselle de Montcernay, qui vous les communiquera. » Et tout empourprée de la honte de son mensonge, elle prit Sophie par la main et l'emmena à grands pas. Elle s'arrêta au milieu du jardin pour l'embrasser, puis, sans dire un mot, l'entraîna chez Madame de Rochebrune. « Madame, » dit-elle très gravement, « vous m'imposerez telle pénitence qu'il vous plaira. Mais je vous supplie d'abord de me sauver l'honneur. J'ai dit à ces demoiselles que je leur porterai des propositions de votre part. Vous ne voudrez pas qu'elles aient cette pensée qu'une de leurs maîtresses a menti publiquement. » « Mais, » dit alors Sophie, « si Madame Sainte-Thérèse nous a parlé comme elle a fait, c'est qu'elle savait bien que je n'aurais pu m'empêcher de la suivre, tant je l'aime, et elle a voulu m'épargner la bonté d'une trahison. C'est donc moi, madame, qu'il faut gronder et punir. » Et la religieuse et l'enfant se mirent à genoux devant la maîtresse générale. « Vous êtes ridicules toutes deux, » dit Madame de Rochebrune, « mais Dieu me pardonne, vous m'attendrissez. Allez dire à ces demoiselles que si elles sont rentrées à midi dans leur classe, je leur accorde une amnistie plénière. Quant à Madame Saint-Jérôme, faites-leur comprendre que mon devoir en ce moment est de la maintenir et que leur intérêt est de ne plus réclamer là-dessus. » Sophie rapporta ces paroles aux révoltés, leur remontra que Madame de Rochebrune ne pouvait faire davantage sans manquer à sa propre dignité, et n'eut pas trop de peine à les convaincre, car elles avaient épuisé déjà tout le plaisir de leur équiper. Quelques jours après, Madame Saint-Jérôme tomba malade fort à propos et fut remplacée par une maîtresse moins déplaisante. Madame de Rochebrune était bonne personne, et comme la conduite de Madame Sainte-Thérèse et de Sophie lui avait paru singulière et touchante, et qu'elle pensait d'ailleurs leur être redevable de l'heureuse solution de toute cette affaire, elle leur permit en récompense de se voir et de s'aimer librement. Et la marquise de Montcernay continuait de mener à Versailles et à Paris sa vie amusée et brillante. Tous les 3 ou 4 mois, elle se souvenait de sa fille et venait la voir. Pendant ses courtes visites, Sophie ne parlait à sa mère que de Madame Sainte-Thérèse. « Allons, voilà qui est bien, » disait la marquise. « Je vois que vous ne vous ennuyez pas ici. » Et elle repartait, satisfaite, dans le froufrou de ses jupes, relevant sous son grand chapeau à panache sa petite tête immuablement jeune et sans pensée. 2 ans plus tard, en 1791, le couvent de l'abbaye aux bois était dispersé. Très insouciante ou très brave, la marquise de Montcernay était restée à Paris. Elle avait envoyé Sophie dans un vieux château de Sologne et l'avait confiée à la garde d'un vieux régisseur, Maître Germain. Les premiers jours, Sophie s'était enfoncée dans un désespoir sombre et silencieux. Mais peu à peu, la tendresse et les soins de grand-mère dont l'entourait la femme de Maître Germain l'avaient détendue et apaisée. Elle se laissait vivre. Elle suivait le bonhomme dans ses tournées à travers les bois, le long des étangs mélancoliques ou par les bruyères violettes, et ses jours coulaient dans une indolence un peu triste qui avait sa douceur. Elle ne se réveillait que pour entretenir une correspondance avec Madame Sainte-Thérèse, réfugiée aux environs de Paris sous un nom d'emprunt, et elle songeait rarement à sa mère. Les lettres de Madame Sainte-Thérèse cessèrent d'arriver. Sophie attendit un mois, dans une angoisse croissante. Puis, un jour, ayant surpris un journal, mal caché par Maître Germain, elle lut, dans une liste de suspects récemment arrêtés, le nom de la ci-devant marquise de Montcernet. Elle la vit, dans son imagination d'enfant, étendue sur la paille d'un affreux cachot, couverte de haillons, avec des chaînes aux pieds et aux mains, elle, si élégante et si délicate. Et tout à coup, l'adoration qu'elle avait eue toute petite pour cette mère exquise et frivole lui remonta au cœur, d'autant plus ardente qu'il s'y mêlait un remords. Elle se disait qu'elle avait peut-être méconnu l'affection de la marquise. Elle lui cherchait des excuses, se figurait des devoirs supérieurs qu'il avait tenus éloignés de son enfant. Enfin, elle rejetait tout sur sa propre timidité. « Si j'avais su, songeait-elle, lui ouvrir mon cœur, lui faire connaître que je souffrais de ne pas l'avoir, elle eut pitié de moi et m'eût témoigné une tendresse plus attentive. » Elle se reprochait d'avoir aimé pendant si longtemps une autre femme plus que sa mère, et elle en voulait presque à Madame Sainte-Thérèse d'avoir pris la place qu'on lui abandonnait. Dès lors, elle n'eut plus qu'une pensée, voir sa mère et lui dire tout cela, ou simplement se serrer contre elle, bien fort et bien doucement. Elle décida Maître Germain à la conduire à Paris, et là, ils obtinrent sans trop de difficultés l'autorisation de rendre visite à Madame de Montcernet dans sa prison. La marquise avait comparu la veille devant le tribunal révolutionnaire et avait été condamnée à mort. Maître Germain le savait et l'avait caché à Sophie. La prison était un ancien collège, avec une cour intérieure bordée d'arcades. L'enfant qui s'attendait à d'épaisses murailles, à des chaînes, à des barreaux, à des souterrains, fut tout étonné de voir cette cour plantée d'arbres et pleine de soleil. Un geôlier amena la citoyenne Montcernet. Elle était toujours jolie et fort gracieuse dans sa robe noire. Seulement, ce n'était plus de poudre à la maréchale que ses cheveux étaient blancs. Aussitôt qu'elle vit Sophie, elle se précipita sur elle, la prit, la souleva, l'emporta vers un banc de pierre, dans un coin du cloître, et la couvrit de baisers. « Oh, ma petite fille, ma petite fille !» Et Sophie se souvint d'un autre banc, dans un autre cloître, et des caresses de Madame Sainte-Thérèse. Et elle comprit qu'il y avait quelque chose de plus dans les baisers de sa mère, une tendresse des entrailles et de la chair dont elle se sentait si délicieusement enveloppée qu'elle aurait voulu mourir dans cet embrassement. Car elle était bien changée, la frivole marquise. La certitude de la mort prochaine avait soudainement simplifié, ramener à la nature et à la vérité l'artificielle créature d'autrefois. Une mère s'était éveillée en elle, une mère désespérée d'avoir tant négligé son enfant, avide de l'avoir, de la tenir, de lui payer avant de mourir un si grand arriéré d'amour. Elle voulait aussi, devant la quitter à jamais, laisser dans l'esprit de sa fille un souvenir et une image d'elle qui ne s'effacerait plus. Et juste au moment où Sophie entraînait Germain à Paris, elle avait écrit au vieux régisseur « Amenez-moi ma fille ». Maintenant, elle la regardait, s'emplissant les yeux et le cœur du doux visage de son enfant. « Ah, ma pauvre petite, disait-elle, que j'étais coupable envers toi. Me pardonnes-tu, dis ?» Et Sophie murmurait « Je suis heureuse, mais là, bien heureuse. » Alors, tout en songeant qu'elle mourrait sans doute le lendemain, la marquise se mit à causer avec Sophie de mille riens charmants, comme si elle avait été dans le parloir de l'abbaye au bois. Elle se fit compter en détail ses journées dans le vieux château de Sologne, Elle s'inquiéta de sa toilette et de l'état de son trousseau, et elle lui lissait les cheveux et lui arrangeait son col. Elle voulait faire, du moins pendant une heure, ce qu'elle aurait dû faire toujours. Le geôlier les prévint qu'elle n'avait plus que quelques minutes. La marquise eut le courage de dire presque gaiement « Au revoir, ma chérie !» Mais, tandis qu'elle disait « Au revoir », Sophie lut sans doute « Adieu » dans ses yeux. Elle eut le pressentiment que si elle quittait cette mer enfin retrouvée, elle ne la reverrait plus. Elle se laissa glisser par terre, s'enroula autour de ses pieds, se suspendit à sa robe et, secouée par des sanglots, elle criait « Non, non, je ne veux pas !» Madame de Montcernay se pencha sur elle, s'agenouilla, la reprit dans ses bras, et lui disait pour la consoler les mots qu'on dit aux tout petits enfants. Elle ajouta « Tu vois que cette prison n'est pas bien terrible. Si l'on voulait me faire du mal, on m'aurait mise ailleurs. Raisonne un peu. On ne peut pas me condamner puisque je n'ai rien fait. Dans quelques jours, je te le jure, je sortirai d'ici, et nous ne nous quitterons plus. Sois sage en attendant, si tu ne veux pas que je sois malheureuse. » Ces derniers mots persuadèrent Sophie. « Je serai sage, » dit-elle, « je vous le promets. » En cet instant, la marquise parut faire un grand effort. « Ma fille, » reprit-elle, « votre grande amie, Madame de Sainte-Thérèse, est prisonnière ici depuis un mois. Vous serait-il agréable de la voir ? Je pense que le citoyen geôlier, qui n'est pas un méchant homme, vous le permettrait. » Peut-être Sophie devina-t-elle la secrète pensée de la marquise, et qu'il n'y avait plus chez elle, en dépit de son effort, qu'une mère, une mère jalouse, et qu'elle allait souffrir si, à cette heure suprême, il lui fallait partager avec une autre, surtout avec celle-là, le cœur de son enfant. Peut-être aussi y a-t-il des heures qui font oublier des années, et qui dévorent tout un passé. C'était si loin, maintenant, la maternité blanche de Madame Sainte-Thérèse. « C'est elle que je suis venue ?» demanda Sophie. « Elle ne le sait pas. Alors ne lui dites rien. » L'infini de joie qui éclata soudainement dans les yeux de sa mère, Sophie ne l'oublia jamais. Un dernier baiser, si long, si doux, si triste. Puis la lourde porte qui tourne sur ses gonds et qui se referme avec un bruit sourd, entre la mère et l'enfant. Le lendemain, la marquise de Montcernay montait sur l'échafaud. Ainsi s'achève La marquise de Montcernay par Jules Lemaître.